Un soir je rentrais chez moi, quand une bagnole s'arrêta. Une racaille me lance des obscénités. J'étais fringué tout en cuir, ça avait dû le faire fuir. Mais ce que je lui aurais dit, c'est 1, 2, 3. Moi je suis un sataniste et je suis fier de ce que je suis. T'as rien à dire sur les genres de gars comme moi. Belzébuth est mon ami et Dieu n'est pas mon ennemi. J'ai rien à dire à une limace comme toi. Me, I am a sataniste and I want to be this. You don't talk to about guys like me. Belzébuth is my best friend and God is my adverse. I don't talk to a big slug like you. Hey! Ouais, vend des rétro, sale godasse. Ensuite j'ai vu une vieille avec son chien qui est en fête. Une manufacture de chiasse qui pue. Yeah. Elle file le signe de la croix à la vue de mes reliques. Et si j'avais osé, j'y aurais dit 1, 2, 3. Moi je suis un sataniste et je suis fier de ce que je suis. T'as rien à dire sur les genres de gars comme moi. Belzébuth est mon ami et Dieu n'est pas mon ennemi. J'ai rien à dire à une masse comme toi. Me, I am a sataniste and I'm proud to be this. You don't talk to about guys like me. Belzébuth is my best friend and God is my adverse. I don't talk to a big slug like you. Hey! Ouais bah moi je dis, la Saint-Barthélemy c'était pas nous, nous on buvait un pot à côté. Si seulement les gens pouvaient comprendre que les satanistes ne sont pas méchants. Je ne sais plus qui c'est qui a dit qu'on est tous satanistes un peu quelque part. Qu'on soit blanc, black, rebeu ou asiat, on pense tous à peu près pareil. Et puis y'a un truc à préciser. Nous aussi on veut la peau de Le Pen. Moi je suis un sataniste et je suis fier de ce que je suis. T'as rien à dire sur les genres de gars comme moi. Belzébuth est mon ami et Dieu n'est pas mon ennemi. J'ai rien à dire à une masse comme toi. Me, I am a sataniste and I'm proud to be this. You don't talk to about guys like me. Belzébuth is my best friend and God is my adverse. I don't talk to a big slug like you. Hey! J'ai rien à dire à une masse comme toi, yao. Hey! Hey! Amen, le pognon.